En Corée, les troupes artistiques de la capitale livrent des activités d'animation pour des effets économiques dans des usines et entreprises d'avant-garde de l'économie nationale. La troupe d'État d'art national, la troupe d'opéra Pibada, la troupe d'État de théâtre, le cirque national, la troupe de théâtre de marionnettes de Pyongyang encouragent les ouïeurs de diverses provinces après avoir appelé à la victoire de la campagne générale de tout le peuple pour atteindre l'objectif de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale. Les ouvriers du complexe thermoélectrique de Pyongyang, de la centrale thermoélectrique de Pyongyang Est, de l'usine de cosmétiques de Pyongyang, du complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae, de l'usine de chaussettes de Pyongyang et de l'usine de tricotage de Songun.